Chapitre 15. Cramponné au guidon de son scooter lancé à toute allure, Niso Craig faisait virevolter les feuilles des buissons et plantes sur son passage et fuir les animaux qui se trouvaient dans les alentours. Ses courtes pattes arrière reposaient sur le siège et n'atteignaient aucune pédale. Il devait se servir de ses mains en pince pour toutes les manœuvres. Une membrane transparente de protection se fermait sur ses gros yeux jaunes globuleux pour les protéger du fouettement de l'air sans que sa vue ne fût altérée. Il coupait au plus court, et cela pouvait inclure de traverser un camp d'esclaves sans ralentir. Les habitants se jetaient alors sur le côté, pour éviter d'être percutés. L'Aldorion jouissait dans ces moments d'une sensation de supériorité et de pouvoir sur ces créatures soumises. C'était son occasion de traiter d'autres êtres comme les mercenaires le traitaient lui. Sa petitesse l'empêchait de rejoindre une véritable troupe. Il devait se contenter du statut de larbin du commandant. Terroriser les esclaves lui rappelait qu'il y avait plus bas que lui. Les premières fois qu'il s'était amusé à prendre ses raccourcis, il s'était fait remonter les bretelles par la source. Mais ce n'était pas ce qui l'avait empêché de continuer, et avec le vrombissement que faisait le petit véhicule, les Nikéens des villages étaient informés de son approche et couraient se mettre à l'abri, dans leur hutte, en attendant qu'il passât, pour sa plus grande frustration. Il sortit de la forêt, traversa un fleuve, et une fois l'autre rive atteinte, il s'enfonça dans une seconde forêt tropicale, vierge, où pas le moindre camp n'était implanté. Près de 3 heures de trajet plus tard, sa course se stoppa devant une énorme enceinte au mur de pierre, très haut, qui ne permettait pas de voir, même de loin, ce qui se trouvait de l'autre côté. Les fondations trempaient dans des douves, et seul un pont-levis abaissé ouvrait un accès pour déjouer la protection du fossé. La herse se souleva dès que Niso Craig s'avança. De par ses visites fréquentes, la garde robotique le connaissait bien et avait arrêté de vérifier son identité à chaque passage. Les machines en étaient venues à conclure que le contrôle systématique d'un visiteur bien identifié consistait en une perte de temps. À califourchon sur son scooter, il pénétra la cour intérieure. Immense, la cour avait la forme d'un losange étiré. Un imposant donjon en ruine, se situait en son centre. Les murs étaient fissurés et la végétation grimpante étreignait dans ses longs bras étendus ce malheureux monument négligé par son occupant. Au bas de la tour, Niso Craig dut mettre pied à terre. Il gara son scooter sur le côté et laissa le moteur en marche. Chevaucher cet engin lui insufflait un sentiment de force. De retour au sol, sa petite taille et son statut inférieur lui revenaient en pleine face. De son pas dodelinant, il escalada une à une les marches du colimaçon en pierre usée, geignant à chaque fois qu'il devait forcer sur sa cheville. Arrivant au sommet, il franchit les nombreuses portes qui conduisaient à la salle principale. La seconde garde robotique, postée de chaque côté des ouvertures, ne levait pas le petit doigt à son arrivée pour lui libérer le passage. Elle le laissait pousser de son poids-plume et de ses bras minuscules, les lourds pans de bois épais, doublé d'acier. Tiens, Niso Craig, que viens-tu nous rapporter encore ? Bien qu'affamé, Niso Craig était arrivé à bout des lourdes portes et avait franchi la dernière, qui ouvrait sur une salle gigantesque. Une carcasse de fer trônait au milieu dans le noir. Des ventilateurs étaient fixés sur chaque fenêtre et étaient reliés aux cylindres de métal par d'imposants conduits. Les ouvertures avaient été condamnées pour laisser juste de quoi faire communiquer les ventilateurs avec l'extérieur. Aucune lumière ne filtrait. Seuls les voyants du cylindre, indiquant diverses mesures, fournissaient un maigre éclairage. La voix qui venait de résonner et d'interroger Niso Craig provenait de haut-parleurs campés tout autour du cylindre. « Encore des mioches cachées dans les arbres. Cesse de me déranger pour toutes les insignifiants que gauche te fait porter. Tu finiras par le payer de ta vie. »« Ô source, rien de cela. » Les prisonniers, un Nikéen et un Nupléen, ô source. Que me chantes-tu là ? Un Nupléen ? Ô source, oui. Ils étaient capturés alors qu'ils essayaient de repartir à bord de leur vaisseau. Je ne sais encore depuis combien de temps. Ils étaient là. Ô source. Bien toi, j'ai intérêt de les faire parler, surtout Nupléen. Mais qu'ils les ménagent cette fois, j'en ai assez de toutes ces bavures. Ces prisonniers m'ont bien trop mis. Il doit les faire parler, pas jouer avec, assure-t'en, et reviens demain. Ô source, oui, ô source. Dis au Craig. Ô source, oui, ô source. Tu boites. Prends le temps de te reposer avant de repartir. Et mange un coup. J'ai l'impression que tu vas t'écrouler. Ô source, merci beaucoup, ô source. Dis au Craig, regagna la sortie en boitillant. Mais curieusement, en souffre au moins. Le long trajet et l'ascension du donjon le fatiguaient toujours énormément. Un être vivant doté d'un système respiratoire aurait été essoufflé de fournir ce genre d'effort. Mais un Aldorion en étant dépourvu, son organisme ne s'en remettait qu'à ses réserves énergétiques. Il redescendit au rez-de-chaussée, dans une salle à manger où tout était à hauteur d'Aldorion, avec de la nourriture spécifique à l'espèce. Des déchets organiques de toutes sortes présentés dans diverses gamelles s'étalaient devant lui. Il fit le plein et remerciait intérieurement la source d'être gentille avec lui. Sa vie consistait en grande majorité à venir rapporter les agissements de son supérieur Irgosh, qui, lui, n'avait jamais à venir voir la source en personne. Tout passait par l'intermédiaire de Niso Craig. L'Aldorion avait déjà croisé quelques-uns de ses congénères dans l'enceinte. Les différents groupes de mercenaires avaient tous un commandant, et ce commandant avait comme subalterne un Aldorion. En conversant avec eux, Niso Craig s'était rendu compte qu'il était tombé sur le pire chef de troupe qui fût. Les autres commandants avaient l'air d'obéir simplement aux ordres donnés par la source et ne maltraitaient pas leurs messagers. Non seulement Irgosh ridiculisait son Aldorion, mais il encourageait aussi les mercenaires à sa solde à l'imiter. Niso Craig les craignait, tous sans exception. Ils n'étaient pas idiots au point de croire que les autres commandants appréciaient leurs Aldorions. Ceux-ci se moquaient éperdument de leur sort et de leur mort. Mais de leur vivant, au moins, ils les traitaient décemment. Le ventre rempli et bien ragaillardi, alors qu'il allait enfourcher son scooter, Niso Craig eut un moment d'hésitation. Il leva son bec vers le haut sommet du donjon pour juger si remonter l'escalier en valait la peine. Un instant, sa pince s'apprêta à actionner le démarreur. Puis il se ravisa et retourna dans la salle seigneuriale pour se confier à la source. Niso Craig, si vite de retour, mes ordres n'étaient pas assez clairs. Aux sources, oui, très clair. Mais c'est autre chose. À te dire, ô source. Le commandant Irgos a fait aussi capturer deux autres prisonniers, ô source. Eh bien, dis-tout directement au lieu de faire une phrase incomplète, précieux ami. L'écho de la voix métallique et tonitruante se répercutait sur chacun des murs de la pièce et glaçait le sang, pourtant froid, de l'Aldorion. Ô source, un Nikéen tête brûlée qui posait problème, depuis longtemps, a été tué par le commandant Irgos. Et il y a aussi une femelle nikéenne qui l'a gardée pour lui, aux sources. Je le savais avant que tu ne le dises. Cet Irgosh me tape sur les circuits à mener sa vie de petit chef comme bon méchant. Il va falloir que je m'occupe de son cas sérieusement. La source coupa sa phrase, reprenant conscience qu'un témoin était présent. Depuis son établissement sur la planète, la source n'avait pas eu à se plaindre du moindre complot contre lui. Les mercenaires, gardes ou supérieurs, lui obéissant aveuglément, ils étaient patiemment recrutés et triés sur le volet pour faire des serviteurs forts, dévoués et pas trop futés. Irgosh était un cas à part. De ses ancêtres nikéens, il puisait tout son orgueil et son aspiration à se mêler aux affaires de la source et à la gestion de Nikéas. Pourtant, ses prédécesseurs n'avaient jamais été comme lui. La source ne savait pas ce qui avait échoué dans son éducation. Il avait toujours fait preuve d'insubordination. Cependant, ces insignifiantes désobéissances n'avaient jamais mis en danger le pouvoir suprême de la source, et ce dernier avait choisi de le laisser libre de jouer au petit chef pour qu'il assouvisse sa minable frustration, sans jamais ne rien craindre de lui. Visiblement, la situation avait évolué. Malgré son système de surveillance, Irgosh parvenait à gérer son secteur à sa guise. Il n'avait pas indiqué à son Aldorion de signaler l'arrestation d'une femelle et le meurtre d'un mâle, c'était qu'il savait pertinemment que la source n'en serait jamais informée par d'autres moyens. Comment parvenait-il à lui cacher ses libertés prises? Quelle était la taille du fossé entre les données sournoisement filtrées transmises à la source et la réalité? À quel méfait Irgosh s'est-il adonné tout ce temps? Avait-il fomenté contre son supérieur? Raconte-moi les agissements d'Irgosh. Quelles actions ne t'a-t-il jamais demandé de me rapporter? L'Aldorian fut déstabilisé par cette interrogation très inhabituelle. Une fois le rapport fait, la source lui donnait un ordre direct à accomplir et l'entrevue s'achevait. Cette fois, il devait rester et continuer à reporter les événements se déroulant dans la forteresse. Il réfléchit intensément Il raconta tous les faits et gestes de son commandant, sans oublier le moindre détail. Les Aldorians étaient peut-être limités intellectuellement, mais ils possédaient une excellente mémoire, quasi infaillible, ce qui expliquait leur capacité à apprendre tant de langues. Apparemment, Yargosh ne se contentait pas de se conduire en petit dur, de se faire obéir de tous et de jouer au roi dans son palais. Il terrorisait les mercenaires sous sa responsabilité. À chaque faute insignifiante commise, il les menaçait qu'ils ne quitteraient jamais cette planète pour revoir leur famille et se proclamait héritier légitime du trône de Nikéas. L'évocation de la revendication de ce titre fit tiquer la source. Lysocraig ne remarqua rien et continua son énumération. Il se fournissait en serviteurs dans les stocks d'esclaves, après les prélèvements, pour les faire travailler quelques mois. Il arguait que cela leur donnait un avant-goût de leur vie future, et qu'ils étaient ainsi formés pour satisfaire leurs prochains propriétaires des acquisitions. Ils servaient aussi bien à récurer de fond en comble la forteresse, qu'à travailler en cuisine ou à lui confectionner des vêtements sur mesure. Ils étaient aussi utilisés comme main-d'œuvre pour les différents travaux d'agrandissement de la forteresse, creuser la roche plus en profondeur et aménager les nouvelles salles. Des enclos de stockage supplémentaires avaient aussi été installés, afin d'y placer les esclaves qui avaient été déclarés morts de maladie ou pendant le transport. Ils étaient bien vivants, et Yargosh les vendait à son propre compte. Depuis quelques années, il avait aussi pour idée de lancer un nouveau type de camp, sur ce qu'il appelait un continent tout à l'est, afin d'approvisionner en Niphiens d'une autre race un nouveau marché qui satisferait une nouvelle clientèle prestigieuse. Dernièrement, il parlait surtout de trouver des associés pour concrétiser son projet. Lysocraig assura à la source qu'il n'avait rien de plus à confier, et que c'était là tout ce qu'il avait pu voir ou entendre, qu'il n'avait jamais eu à rapporter. Mais comment être certain que cette tête vide d'Addorion pensait vraiment à dire tout ce qu'elle savait? Il était difficile de tout vérifier. Pour obtenir les bonnes réponses, il fallait poser aux Aldorians les bonnes questions. Sans cela, ils n'étaient pas capables de juger les informations qui pourraient intéresser leur interlocuteur. La source ne tint pas à stresser davantage la petite créature, qui avait pris une initiative très instructive, et le libéra en le félicitant affectueusement après lui avoir remis la consigne de noter les faits et gestes de son commandant et de les signaler systématiquement. Cette fois, Lysocraig quitta les lieux sans hésitation, ni nouvelle confession. À l'extérieur, le vrombissement du scooter s'éloignant se fit entendre, et quand plus un son ne parvint jusque dans la salle, une commande fut actionnée. Les dalles de fer du sol s'écartèrent, une table en surgit, et remplit l'espace vide entre la porte et l'immense cylindre de métal. Le long de la table, des écrans holographiques s'allumèrent, et en bout de table, où aurait siégé l'hôte, un écran n'affichant que du bruit parasite représentait la source. Très rapidement, les écrans affichèrent des têtes d'espèces extraterrestres, variées. À l'unisson, ils s'écrièrent « Ô source !» et la réunion put débuter. « Chers associés, trois individus, deux Nikéens et un Nikéen, viennent d'être faits prisonniers à proximité d'un camp d'esclaves. Pour ce qui est des Nikéens, je pense que nous savons tous qu'il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Mais Nikéens, en revanche, me concernait quelque peu. C'est la troisième fois qu'une présence suppléenne est détectée sur notre sol, et je pense que cela est bien trop. Ô source, je vous prie d'avance de bien vouloir excuser mon audace, mais ô source, cela fait deux fois, et non trois, qu'une présence suppléenne est repérée, ô source. Il y a eu celle dont vous faites état aujourd'hui, et ce vaisseau, il y a plusieurs lunes, qui a pris la fuite. Pour nous ne savons quelle direction. Upléas n'est qu'une hypothèse, ô source. Incapable, il y a 11 ans et 422 jours, un vaisseau upléen a atterri dans ce même secteur, puis est reparti quelques minutes plus tard. Les traces au sol ne laissent aucun doute sur la provenance de cet engin. Un long silence suivit les fulminations. Les invités attablés restaient muets et osaient à peine tourner leur regard vers l'écran de la source, ou même vers celui qui s'était permis de contredire leur grand chef suprême. Et parce qu'ils ne regardaient pas l'écran de leur homologue, ils ne virent pas sa tête s'effondrer et la transmission de son écran se couper. Ce n'est que lorsque la source reprit la conversation sur un ton anodin qu'ils remarquèrent sa disparition. Des choses nous échappent de plus en plus et je n'aime pas ça. Je ne veux pas que les Upléens se mettent à comploter la moindre petite guerre contre nous. Ô source, lors de la prise de pouvoir, nous avions un niveau technologique supérieur à celui des Upléens et nous étions de taille à leur passer l'envie de nous combattre. Nous aurions pu les anéantir, mais vous vous y êtes opposés. Depuis, Eupléas est devenu membre du comète, et celui-ci a renforcé ses frontières. Après avoir déclaré la guerre aux contrebandiers, l'importation d'armes et de technologies de haute pointe nous est devenue très difficile. Avec des technologies adéquates pour protéger Nikéas, la détection de l'entrée dans l'atmosphère de vaisseaux non autorisés ne serait pas un souci. Tous les équipements actuels sont obsolètes face à ceux fabriqués par le comète. Aux sources. Dis-moi, combien de fois as-tu témoigné ton respect dans ton prêchi-prêchat ? Aux sources. Deux fois, aux sources. Non, zéro. Non seulement tu me ponds un roman pour m'informer de tout ce que je sais déjà, ce qui est une insulte, et tu ne fais que mettre une simple formule de politesse au début et en fin de phrase, mais pas au milieu, à aucun moment. Le silence n'eut pas le temps de s'installer. La source n'avait pas encore fini sa phrase, que la tête de ce participant s'effondra également et son écran holographique se coupa. Le reste des membres de l'assemblée pâlirent et décidèrent de se taire, quoi qu'il arrivât. Dans un des écrans, un visage fit place à un autre. Les associés envoyaient leurs bras droits pour assister aux réunions spontanées de la source. Il était inutile de perdre du temps à écouter la source crier sa rage et ses insultes. De plus, le laisser faire tomber quelques têtes le calmait efficacement. Bonjour, source. Et vite, je te le demande, d'en venir à exécuter trop nos bras droits, c'est une denrée rare. Benjamin, que me vaut ta participation à cette réunion ? J'ai cru comprendre que son sujet était plus intéressant que les autres coutumières jérémiades des sommations improvisées. D'autres bras droits furent remplacés par leurs supérieurs, et bientôt la réunion prit une tournure officielle. Maintenant, je saurai que pour vous convoquer, il suffit d'exécuter deux de vos soldats de terre. Alors, dites-nous, source, ce qui t'ennuie tant dans ce rapport d'activité upléenne aux alentours. Nous ne pouvons pas nous en prendre à une planète membre du comète, mais un de leurs vaisseaux peut très bien être victime d'un malencontreux accident. Ce genre de solution pourrait être applicable uniquement pour de simples civils. Charmez. Parce qu'il ne s'agit pas de simples civils, y aurait-il de hauts représentants upléens qui s'intéresseraient à nos activités ? J'ignore qui était à bord du vaisseau et qui a atterri il y a presque 12 ans. Mais il est reparti avec une reproductrice pure race à son bord. Je ne pouvais décemment pas la détruire en poussière d'étoiles. Quel grand sensible tu fais avec tes petits protégés. L'origine du problème réside dans le fait que tu es absolument tenu à ce que l'on installe notre business à l'intérieur du comète, source. Et maintenant, quand des citoyens viennent fourrer leur nez, nous ne pouvons pas les atomiser comme ils le devraient. Josiane, je te rappelle que lors de l'établissement de notre affaire, tous les associés étaient d'accord. Depuis, tous les associés fondateurs et bien des générations intermédiaires sont morts, sauf toi, source. En tant que nouveaux associés ou successeurs, nous avons le droit à ce que cela soit réétudié. Ces derniers événements montrent à quel point il est urgent de repenser la stratégie initiale. Je propose que nous échangions sur nos diverses propositions d'évolution lors de la prochaine réunion officielle prévue. Benjamin, Charlef, Yui, Didosk, Vazejdel, Goy, Kendrick MV et Theodore Aaron Loin King, cela vous convient-il ? Les 8 autres associés acquiescèrent et la source dut s'y soumettre, résignée. Les écrans renvoyèrent vite un décor déserté et la table qui était sortie du sol retourna s'itérer. Aucune vibration de l'extérieur ne résonnait dans la salle, et seul le ronflement de la ventilation mécanique du gigantesque cylindre central occupait le lourd silence. L'issue de la prochaine réunion était connue d'avance de la source. Ils choisiraient tous de s'attribuer une autre planète et d'y déménager les élevages. Les associés ne cherchaient que le profit dans cette affaire. Ils étaient trop stupides pour comprendre l'œuvre de la source, son façonnement de la perfection. Les dalles s'écartèrent à nouveau, mais seulement pour qu'une petite écuelle remplie de friandises se perde sur la large surface. Nous accrètes ! La voix de la source était presque une lamentation. Un petit pianotage pressant, de griffes, ne tarda pas à répondre, et un Aldorion, ressemblant fort à Nisocreg, apparut. Apercevant la gamelle, la petite créature n'hésita pas à se précipiter dessus et à picorer les cubes d'humus. Si seulement ces investisseurs avaient ton intelligence, nos athlètes. Ils me verraient comme leur maître. Ils ne remettraient pas en cause mes décisions. Sais-tu ce qu'ils veulent faire ? Nous déloger, nous emmener ailleurs, hors du comète. Même Nikias, c'est le berceau des Nifiens. Quel honte de les arracher à leur père. L'Aldorion l'écoutait d'une oreille distraite. Il émettait des caquettements de contentement en déglutissant ses friandises. Je me suis donné tant de mal. Ils me vénèrent, et grâce à eux, je suis un vrai dieu. Il a fallu monter toute une mascarade pour les convaincre de ma toute-puissance, mais aujourd'hui, je n'ai rien à leur ordonner. Ils sont suffisamment convaincus de mon existence pour que je n'ai besoin de me manifester. Mes précieux enfants, un exil m'obligerait à me révéler ou à les abandonner. Pauvres petites choses, que seraient-ils sans moi? Ils seraient encore plus perdus que toi, Nosacrec. Te rends-tu compte? Nosacrec leva un regard vide sur son maître et ne répondit pas. La question n'était pas assez clairement formulée, et comme la réponse lui avait été donnée, il supposait qu'il n'avait rien à faire de particulier. Il avait juste été attendu de lui qu'il vînt à l'appel de son nom. J'ai laissé fuir une partie d'entre eux. Si je ne l'avais pas fait, nous ne serions pas dérangés par ces visites intempestives. Si ces peaux vertes venaient se mêler à mes pures races, ce serait une telle abomination. Tout mon travail de sélection anéanti, mes splendeurs disparaîtraient en quelques générations. Je ne peux le permettre. Je suis Dieu. Ils tutoient la perfection grâce à moi. Seuls, ils sont si démunis. Ils m'écouteront. Ils ne se laisseront pas souiller et les suppléants n'auront plus qu'à rentrer chez eux. Leur comète ne nous intéresse pas. Les derniers coups de bec de l'Aldorion résonnèrent sur les murs de pierre, alors qu'il picorait les ultimes miettes de friandises qui pouvaient demeurer. Après 2-3 coups infructueux, il observa la gamelle vide et quitta la pièce d'un trot pressé, comme si une autre occupation l'attendait. La source fut de nouveau seule, baignant dans le ronflement de ses ventilateurs.